Je me remémore les paroles de mon vieux, disant Jackie, assieds-toi, faut qu'on se parle à deux. Je me suis sacrifié pour te rendre heureux, mais ma fierté piston, c'est que tu fasses mieux. J'ai quitté ma famille et mon petit pays pour venir en Occident rechercher la vie. Aujourd'hui je ne suis pas riche en millions, mais j'ai construit ma vie à la sueur de mon front. Je t'ai élevé dans une cité dortoir, faut pas que ce soit l'excuse ou une échappatoire. Bien au contraire, faut que tu prouves à tous ces gens que la banlieue ne rime pas forcément avec délinquants. Fais ton chemin et te retourne pas, tout ce qu'ils pourront faire c'est juste pointer du doigt. Tant que tu sais ce qu'il te reste à faire, fais mieux pour que ton père soit fier. Pour tous ceux qui nous aiment, faut qu'on fasse mieux. Pour ceux qui nous soutiennent, faut qu'on fasse mieux. Pour ceux qui croient en nous, faut qu'on fasse mieux. Nos parents, nos amis, oui, faut qu'on fasse mieux. Pour honorer la famille, faut qu'on fasse mieux. Pour un avenir plus sûr, faut qu'on fasse mieux. Pour qu'on soit fier de nous, faut qu'on fasse mieux. Hey, faut qu'on fasse mieux. J'ai vu le jour il y a presque une trentaine d'années. J'en ai le souvenir d'un fardeau dont j'ai toujours été. Pour ma mère qui a tout fait pour m'éloigner de ces pièges auxquels chacun de nous est livré. Mais j'ai trop de respect pour sa vie. J'ai trop de respect pour ce qu'elle a construit. J'ai trop de respect pour elle, pour son parcours, son amour, sa bravoure. Je m'en souviendrai toujours mieux. Sachant ce qu'elle a traversé, il faut que je fasse mieux. Pour qu'elle soit fière aujourd'hui, il faut que je fasse mieux. De tout ce qu'elle a pu faire, pour que j'en arrive à vouloir en parler en musique ici. J'ai bien réfléchi, j'ai beaucoup appris. Frère, faut qu'on s'organise, si t'as bien compris. Chacun son vécu, mais tout a un prix. À nous de payer, de faire mieux, c'est ainsi. Pour tous ceux qui nous aiment, faut qu'on fasse mieux. Pour ceux qui nous soutiennent, faut qu'on fasse mieux. Pour ceux qui croient en nous, faut qu'on fasse mieux. Nos parents, nos amis, oui, faut qu'on fasse mieux. Pour honorer la famille, faut qu'on fasse mieux. Pour un avenir plus sûr, faut qu'on fasse mieux. Pour qu'on soit fiers de nous, aux paroles de mon père. Tu crois vraiment que j'ai envie de me contenter? Non, non, non. On me félicite, me dit c'est bien ce que je fais, mais dans ma tête, moi je suis loin d'être arrivé. Oh, oh, oh. Je peux plus faire marche arrière, j'ai une émission entre les mains. Le second c'est un con, donc moi je veux être numéro un. Je suis pas du tout du genre à m'endormir sur mes lauriers. Sous mes airs de mec cool se cache un grand guerrier. Le temps passe, les rôles s'inversent. Je prends le relais, à moi de poursuivre la traversée. À moi de m'assurer que tout ira encore mieux. Pour ceux qui nous succéderont comme ceux qui m'ont précédé, c'est un devoir, j'en ai conscience. Pour que la vie s'améliore, faut que je fasse la différence. Y'a tant d'exemples et d'expériences sous nos yeux. Inspirons-nous du parcours et faisons mieux. Pour tous ceux qui nous aiment, faut qu'on fasse mieux.